Revenons un peu au verbe dovere, devoir. Je vous signale au passage qu'en italien, il a les mêmes emplois qu'en français. On l'utilise aussi pour dire, par exemple, je devrais arriver ce soir, qui exprime une possibilité. Comment diriez-vous ça? Je devrais arriver ce soir. Dovrei arrivare stasera? Tout à fait. Dovrei arrivare stasera. Ensuite, on peut employer devoir au conditionnel pour donner un conseil à quelqu'un. Par exemple, vous devriez partir, qui se dit? Dovrebbe partire? Dovrebbe partire. Dovere s'emploie aussi en parlant d'argent, comme en français. Comment diriez-vous combien est-ce que je dois? Quanto devo? C'est ça. Quanto devo? Et puis, bien sûr, il y a l'obligation, comme dans « je devrais le faire ». Devrais, futur. Dovrò. Dovrò, oui. Dovrò farlo. Bien, dovrò farlo. Et comment diriez-vous « à quelle heure devrez-vous partir ?» À quelle ora dovrà partire? Bien. A che ora dovrà partire? Et au conditionnel, je devrais le faire, comment dites-vous ça? Devrei farlo. Pas devrei, mais... Dovrei. Dovrei farlo. C'est ça. Dovrei farlo. Et vous devriez le faire? Dovrebbe farlo. Bien, dovrebbe farlo. Et nous devrions le faire? Dovremmo farlo. Très bien, dovremmo farlo. Maintenant, la même chose au futur. Nous devrons le faire. Dovremmo farlo. Dovremmo farlo. Oui. Vous avez bien fait la distinction avec le conditionnel. On a bien entendu qu'il n'y avait qu'un seul M, dovremo, et non pas dovremmo. En parlant de conditionnel, comment dites-vous « je devrais l'acheter » Dovrei comprarlo. Bien, dovrei comprarlo. Maintenant, dites-moi, vous devriez me le dire. Dovrebbe dire... Il y a deux petits mots, me, le, qui doivent se placer tous les deux après dire. Dovrebbe dirmelo. C'est ça, dovrebbe dirmelo. Et plus simplement, vous devez me le dire? Deve dirmelo. Deve dirmelo, oui. Deve dirmelo. Vous devez me le dire. Revenons au verbe pouvoir. Comment diriez-vous pouvez-vous me le dire? Può dirmelo? C'est ça. Può dirmelo. Et comment diriez-vous pourriez-vous me le dire? Potrebbe dirmelo? Très bien. Potrebbe dirmelo. Alors, pour résumer, nous avons vu en détail les verbes potere et dovere, qui sont ceux que j'appelle des verbes porte-manteaux, car ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Et nous en avons profité pour parler du conditionnel, avec les terminaisons rei, rebbe et remmo.